avait un goût de poussière. Je suis perdu dans ses yeux verts. Là, l'horizon n'était qu'étoile. La mort étend sur moi son voile. La guerre pour des saints, son âme assassin, fait de moi qu'un recouvert par le linceul de mon. Je voulais l'honneur sur le champ et couvrir de gloire mes enfants. Je ne leur laisse que la douleur. Chagrin, le moissonneur. Le sabre à la main. La guerre pour des saints. Sans l'âne assassin. Fais de moi qu'un recouvert par le linceul. Demande que ne fait-on pas par orgueil. Restons dans le deuil. Seul reste toujours le héros pour qui la mort est le repos. Le sabre à la main. La guerre pour des saints. Le sang d'un assassin. Fait de moi qu'un recouvert par le linceul de mon. N'ayant plus rien à protéger, il s'en va mourir le guerrier. Faiblesse et ma pire erreur fut d'abandonner mon bonheur. Le sabre. La guerre pour des saints. Sans l'âme assassin. Fais de moi qu'un recouvert par le linceul.